Mon papa, le Horla, a oublié son repas. Mon bras droit n'est plus à moi, il pend à côté de moi. Mon papa, le Horla, a oublié son repas. Mon bras droit. Je suis un caillou, je suis un caillou, je suis un caillou, je suis un caillou, je suis un caillou, je suis un caillou. Pourquoi tu l'aides? Pourquoi tu l'aides? Je suis un caillou. Bah justement, c'est un caillou, il peut pas ressentir. Je déteste. Ce n'est pas Fenouil qui a entonné cette vieille comptine des villages, mais une créature bancale qui se tient sous le feuillage, qui vient d'émerger de l'habitacle de rouille et d'acier rongé, envahi par les lierres et les ronciers. Juste en contrebas de cet escarpement où gît le scaphandre denté. Une créature difforme juchée sur des pieds comme des échasses, à peine plus hautes que nous, les bras et les pattes maigres, des mains qui n'en sont plus ou qui le furent, des doigts filiformes qui se prolongent en une espèce, des espèces de ventouses rosâtres qui se distinguent sur la chair blanchâtre de ses membres nus. Un pagne lui en serre les reins et dans l'une de celle-ci, elle tient de ses mains, elle tient un couteau. Et de son regard torve, blanchâtre, noyé, nimbé d'un jaune orangé, elle vous regarde en faisant un. Ok, enfin. Son grand nez épaté sur trois niveaux frémit de toutes ses narines en absorbant l'air et en humant. C'est lui qu'il faut encore. Votre odeur. Je suis. Il faut le faire aspirer par un aspirateur moche. Lui là. Encore une fois. Fais pas de avec moi, ok? Bah non, je suis pas un homme, moi je suis un caillou. Moi, je suis un caillou, je suis un caillou. Prends pas le Horla, m'a dit. T'as dit? Que les petits d'hommes. Je ne suis pas là, je suis pas un homme, je suis une femme de bois. Et je suis une petite fille. Non, petite fille? C'est encore mieux les petites filles. Non, je suis un petit caillou. Un petit caillou de petite fille. Non, un petit caillou. Ma langue, elle a fourché. Ta langue peut dire des choses, mais mon nez, en revanche, en dit d'autres. Oui, mais ton nez peut être défectueux. Je ne dis que la vérité. Que la vérité. Que la vérité. Les enfants disent la vérité. C'est connu. Non, les cailloux disent la vérité. Oui, bah oui. Les cailloux disent la vérité, tout à fait. Et là, c'est bien en chair. Oui, mais ce n'est pas un caillou, c'est un rocher. Un rocher? Oui. Un rejet. Non, un rocher. Un rejet de proto. Un rocher de proto, si tu veux, mais pas un rejet de proto. Tu cherches à égarer mon esprit, mais je suis malin et habile. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Et je suis sûr que je pourrais découper des bonnes lanières pour mon tonton Orla et pour moi. Oui. En fait, c'est un caillou d'apparence humaine qui ne comprend pas. Un petit caillou que je vais loger au tréfonds de mon estomac. Non, ce n'est pas le soir venu. Sinon, une fois tu vas avoir la aurez... diarrhée, non. Diarrhée, non. Si. Si, si, tu vas faire caca à ton estomac. Là, c'est encore pire, c'est une diarrhée, là. Non, c'est une diarrhée très violente. Caca mon estomac? Tu vas déféquer ton estomac. Bravo. Bravo. Tellement ta diarrhée sera forte. Lui, c'est un loup, ça se mange. Non, ça se mange pas, les loups. Si. Non. C'est comestible. Moi, moi je suis un loup caillou. Tu auras largement ça. Il mange 10 fois son poids, 10 fois sa taille, 10 fois tout ce que tu veux. Je suis un loup caillou. Ce n'est pas la même chose. Ça n'existe pas, les loups cailloux. Bah si. Les cailloux, ça existe. C'est moi. Et moi. Lui, c'est un rocher, c'est l'intrus. Tu as le droit de le manger. C'est plus gros, les rochers. Alors, les rochers. Les rejets de protons. Les rochers les de protons. Hein, on n'est pas des graines. On n'est pas des graines. Ça a moins de goût. Il replace sa dague. Ok. J'ai l'espèce de lanière qui soutient son pagne. Il suffit de les tirer par le reste. C'est pas moi le rejet, c'est lui, c'est lui. Je m'en vais de cette surface de la planète. Je m'enterre dans le sol. Allez, viens là, petit homme. Je m'enterre dans le sol. Ah, ça crie, ça crie, ça crie. Non, moi je fais exprès de crier en fait. Parce que c'est un caillou. Il se prend pour un homme. Ah, c'est un caillou qui se prend pour un homme, mais je sens la chair souple, là, qui va délecter... Vous égarer. Regarde. Il est 3 mètres touche. À côté. Ça, c'est son oreille. Regarde, ça, c'est son oreille. Touche. Ça, c'est son oreille. C'est son oreille. Oh, tu l'as retiré. Oh, mon Dieu. Il a retiré son oreille. Oh, ça fait mal. Mais genre, t'as pas d'oreille. C'est tout sec? Oui, il est tout sec, c'est pour ça. T'as pas rance au toucher, mais dès que c'est tiré, dès que c'est coupé, c'est tout sec, tout dur, tout... Ah, tonton, ça là, il va pas être goût. Content s'il revient bredouille. Ça a pas de goût. Il va demander ce qu'il pourra manger. Et s'il revient sans rien pour lui donner, voilà. Il sera... Regarde, sera très, lui, très, c'est un très extraterrestre. C'est un extraterrestre. T'as vu? C'est un guerrier du cœur. Non, c'est un extraterrestre. C'est un guerrier du cœur. Tonton, tonton. Non. Pourquoi t'as mis ça? Tonton, tonton. Je suis une pierre. Je m'enterre dans le sol. Il s'éloigne. Ok, on court. Courant. Ok, on court. Cours. Vous voyez que le meilleur moyen, c'était de passer par là. Cours. Courons. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi qui est un armure? Parce que, d'une part, un truc rouge. Il me ressemble à un bouton. Et un enfant juste à côté. Ah, mais c'est pas bon. C'est très logique de laisser un enfant entrer. Bouge pas. Tu n'as plus d'oreilles. C'est tout sec, les oreilles. Là. Oh, ça fait un bruit bizarre en plus. Arrête de toucher à mon oreille. Bon, qui c'est que je mange? Pas moi. Son oreille. T'as du mal tu veux... Non, mais tu veux que je te fasse essayer de respirer dans un masque? Non. Je sais que c'est dur. Donc, faut surjouer. Enfin, faut que les autres aient l'impression que tu surjoues pour que tu respires vraiment. D'accord. Là, c'est... Ça oxygénait vraiment le casque. Okay. Le fait que je sois si sonore que ça. Il a disparu au sein des frondaisons. Ok, on court. Courez tous. Tous autant que vous avez. C'était à toi l'instance. Mince. Courir. Ok. Ok, les clés à molette. Nous laissez pas bidon. Non, c'est ok. Ok, les clés à molette. Oui, je sais. Alors, Alexon, c'est pas juste pour refuser, mais Xavier, il me semble pas qu'il ait eu de... Si, il en a eu un. Si, il a eu deux fois des... Bon. Courir. J'avais pas d'inspiration. On court ou on court pas? Il n'a pas... Si ce n'est d'un galop, nous élancions à travers bois et dans le sens inverse de là où était parti le misérable guetteur, nous nous sommes mis à dévaler l'étendue hostile qui s'étendait face à nous. Cette étendue, elle ne semblait même plus nous épier, dont elle avait pris peur avec ce guetteur. Il semblait même que nous lui avions fait peur entier. Et alors, c'est comme si nous arrêtions, donc, au niveau d'un arbre. Et cet arbre était étrange. C'était un arbre dont les membres, dont les branches semblaient être... le corps d'un être humain défenestré et qui aurait été retranscrit dans cet arbre, comme si même la ville avait été happée par le bois. Courir entre les branches enchevêtrées. prisonnier dans un cocon de feuilles collantes. Affamé. Nous sommes en arrêt devant cet arbre noir. Comme s'il avait avinement puisé toutes les couleurs du monde pour les mêler en son sein, comme s'il avait tiré avidement depuis ses racines tous les pigments qui courent dans les fleurs. Comme s'il avait su happer toute la lumière que nous avions pu recevoir par nos yeux. immense, comme une ombre menaçante, celle qui, au matin des cauchemars, lorsqu'enfants nous errions dans le village, lorsque nous étions encore insouciants de notre parage et que notre seule préoccupation était de courir la lande, nous n'avions pas même entendu parler de Cornifieux, Dio, une bondition de trous en fondrière. Chassions avidement les papillons et les cancrelats. C'est bon, ça croque sous la dent. Et ça change du panier de riz trop peu rempli. Et là, nous étions le soir venu ou le matin très tôt, après Scob. Sous l'humidité dispensée par le matin, immobile. Quoi ? Avec cette idée que quelque chose approche. Se coule depuis l'obscurité vers nous. Regardez. Pas tourner la tête et paralysé. Allongé, une proie sans défense. Et on a tout autour ces fils qui pendent depuis les poutres, noires de nuit encore et dessus, ces fils blancs, lactescents, chargés de poussière, où se sont égarés les insectes. Là, on voit cet arbre qui nous content. Et lève ses grands racines, ses grandes pattes creusent leur empreinte dans le sol, qui fouillent l'humus et s'approchent de nous, noirs. Comme la blessure que j'ai à la main, ce même noir qui palpite sous le jabot de la bête. Sa tête immense nous regarde. Le ventre de l'arbre est du rouge éclatant des fleurs. Ses branches sont nimbées d'un pollen jaune. Et ses 8 grandes branches maîtresses font le tour autour de nous. Tout autour. Sont accrochés les fils blanchâtres, ceux qui pendaient depuis les poutres dans la case de notre enfance. Et un liquide sirupeux coule de sa gueule béante, où ses mandibules avides palpitent. Cette migale surgit du dédale denté. Alors, je pense tout d'abord que si tu veux bien, on a le. Alors, ça peut être nos objets. Moi, j'ai deux idées qui sont des étages du coup de. Aloé, t'as le d'un fil qui est l'espoir. J'ai le nectar qu'on a bu qui pourrait nous donner la force aussi. Est-ce que tu l'as bu, ce nectar? Et t'as ton couteau pour... Et moi, mon masque pour m'intimider. Alors, ce que je vous propose... Bah, dans ce cas-là, le mien aussi, encore plus, parce qu'il a prouvé, enfin, il a fait ses preuves tout à l'heure. Moi, j'ai pas spécialement de veille. J'ai juste l'impératif courir. Après, gracieusement donné par Assis et le fagot. Le fagot, je vois pas comment l'utiliser. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. On parlait de ce que vous avez perdu. Toutes les choses. Non, les parties de ton corps. Non. Techniquement, l'oreille, tu l'as pas perdu. Bah, si, quand même. C'est ok. Donc. Qui entreprend le récit? Je sais pas. Bah, c'est elle qui parle. Qu'est-ce que le nectar a fait en toi, Aloé? As-tu. Comment as-tu recueilli le nectar? Bah. Comme une ressource. Voilà. Mais comment l'as-tu recueilli physiquement? Comment as-tu. Bah, il m'a donné plus d'énergie et sans doute plus de résistance. Quoi? Je vais en prendre, c'est tout. Mais t'es pas obligé de chuchoter. Comment as-tu procédé pour le recueillir? Je fais ce qu'il m'a dit. Tu as frotté ton nez dans le dans la corolle de la fleur de Bougainville. Et tu disais que tu avais ressenti une force en toi. Comment ça s'est manifesté physiquement? Est-ce qu'il y a eu une modification qui s'est imprimée sur ton visage, dans tes chairs? Comment cela s'est traduit en dehors de l'afflux d'énergie? Ben, j'étais plus sûre de moi. Tu es plus sûre de toi? Qu'est-ce qui te faisait douter jusqu'à présent? De quoi doutais-tu? De mes capacités. Et désormais, comment envisages-tu celle-ci à ton égard? De quoi te sens-tu capable? Est-ce que tu serais de taille à affronter une horrible mygale surgie des décombres des dalles? Oui. Oui, pourquoi pas? D'accord. Oui, pourquoi attends, pas. Je peux regarder. C'est ça qu'on a vu. nous avons dit. Gabriel, tu disais que tu avais. Je peux mettre en œuvre l'impératif courrier. Et le fagot en soi, c'est. Enfin, je pense au proverbe mongol qui est de dire. Seul nous sommes. Enfin, le. Une brindille n'est rien, mais qu'un fagot a une capacité à faire des grandes choses, et que donc le fait qu'on soit tout. Enfin, ça peut servir à. Est-ce qu'on lutte tous ensemble? En fait, il n'y a pas de vraiment une seule personne qui lutte contre la mygale, mais qu'on soit tous ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Que nous fassions que. Cœur. Qu'un? Oui, qu'un. Si nous faisons qu'un, l'autre aspect de. Du couteau Harry, c'est qu'il a été conçu pour que. Qu'il préserve la brindille sans l'arracher, qu'il préserve. L'esprit de la terre. Et mon masque aussi peut être utilisé comme outil de peur. Enfin, pour effrayer la mygale. Enfin, ou la faire fuir. Donc, ton masque serait les forces d'Ante qui ont dompté la terre. Et asservi les maîtres d'Outle qui étaient les protos. C'est cela ? Oui. Donc ça fait deux. Donc on a dit pour toi que tu avais la fleur et le nectar. Le nectar que nous apporte. Alors il y a la dague après. Alors la dague, tu l'utilises pour percer quoi ? Le chaton. Quoi ? Alors, on a dit que tu avais le nectar en toi. Le nectar, ça nous vient de l'outle, on est d'accord ? Xavier ? Qu'est-ce que tu apportes ? Bah déjà, le nectar. Oui. Mon masque pour effrayer Monsieur Bonhomme. D'accord. Enfin, Monsieur Araignée. Monsieur Bonhomme. Ton oreille. Et en quoi il serait effrayant pour cette créature ? Bah... Parce que les loups, c'est plus grand. Bah déjà, c'est plus petit. Mais c'est pas grave, dans la nature normale, ils sont plus grands. Bah aussi, ça fait peur. Bouh. Faire bouh. Ou alors tu lui fais croire que tu te transformes, mais du coup ça va faire peur. Comme tu fais. Il peut faire peur en voyant passer de mes parents. Enfin, je suppose que Nice est. Enfin, on. Si je mets mon masque, il peut avoir peur puisqu'il peut voir le passé de ma mère et par rapport à mon personnage. Et ça pourrait lui. Il faut que tu développes là. Bah, il pourrait voir ce qui s'est passé à la mère d'Elio et en avoir. Qu'est-ce qui s'est passé elle s'est fait un peu manger par le Iltiti. Et tu serais le Iltiti, c'est ça, ton masque ferait de toi le Iltiti. Bah, ça lui ferait penser au Iltiti, je pense. Donc, en abaissant ton masque, tu deviens le Iltiti. Oui. Bonjour. Nous sommes d'accord. Ce faisant, tu deviens le Iltiti. Et tu menaces l'araignée de ta paille, puiser au nectar de sa vie, et puiser l'outle qui est en elle. C'est cela que... Oui, c'est cela. Donc, 2, 3. 3 courir, fagot et. Moi j'en ai 3, non ? Bah, ça peut pas être et courir et. Je peux pas courir en même temps de. Ah. Voilà. Bah, donc, je peux courir c'est 2, sur elle, ça fait tour 6. Autour. Et toi, c'est la dague et la fleur. Là, qu'est-ce que tu vois dans le fossile que t'as confié. Bah, c'est déjà quand même sauvé la vie pour le coup, hein. L'oreille. Qu'est-ce que l'oreille vient faire là? Appelons-la oreille momentanément. Bah, tu fais croire que. Bah, en fait, c'est l'oreille du Letiti vu que c'est la mienne. En soi. Tu accepterais toi-même d'être cette créature? Bah, je sais pas, moi je pourrais pas. Donc, si tu ne sais pas. Attends, je. Transformation, créature. Mais en soi. En soi, il est où? Il est là. Donc, cette oreille, c'est une oreille qui, bien qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit eschatologique, bref, on peut lui y voir plein de mal, mais ce qu'il en est, c'est qu'elle est une oreille qui, bien que n'étant pas une vraie oreille, a eu la capacité de sauver le groupe dans bien grand péril. Donc, c'est en fait un espoir de s'en sortir, plus qu'autre chose. Donc, pour moi, ça compte aussi. Je sais pas. Admettons. Et moi, je n'ai que le bisou de papillon. Bah, tu peux essayer de lui faire un bisou de papillon, hein. Ça pourrait voler tout son nectar. Non, mais après, tout dépend du jet de dés. Je mise le bisou de papillon, mais pour la beauté de ce que j'envisage, enfin, la beauté entre guillemets, je préférerais ne pas vous dire à quoi ça correspond. Non. Et l'un de vous... Moi, je lance le dé. Moi, ouais. Vous êtes sûr? Trois. C'est nul. Bah non. Bah ça passe. Le truc, c'est de pas faire au-dessus de. Bah, c'était. Bah là, en plus. Nous avions un des 10 contre nous. Et on avait 8 chances sur 10 de l'emporter. Voilà. Donc là, nous avons gagné par différence entre 8 et 3, 5. Donc, on va avoir 5 récompenses qui seront proportionnées à ce qu'on a misé. Yes! Ok, on va aller. C'est pour ça que ça peut être très utile de miser, comme ça peut être très. Très mal. C'est avantageux. Ouais, quand tu perds. Donc, c'est toi qui as misé. Toi, t'as misé 3 finalement. C'est ça? Non, puisque tu m'as refusé. Ouais, 2. Donc. C'est toi qui as misé le plus, donc c'est toi qui commence la narration. Comment est-ce qu'on repousse la migale? Bah, je sais pas. Abracadabra. Non. Ah. Alors comment repousse-t-on la migale? Bah... Toi, ce que tu avais, c'était ta dague et ta fleur de bougainville. Oh, ils sont de la chute. Non. David lui fait peur. Elio lui fait peur avec... Bah, je me transforme en Iltiti, donc... Voilà, elle lui fait peur. Et que fait le Iltiti face à la gigantesque migale qui se tient au-dessus de... Bah, il fait... Il essaie de l'impressionner tout en essayant de lui aspirer quelque chose. Donc il place sa trompe dans la tête de la créature pour lui aspirer, lui sucer la moelle. Et en même temps, il bouge les ailes pour essayer Les souvenirs. Oui. Et en même temps, il essaie de bouger. Qu'aspire Elio? Quelle est la première chose qu'il aspire? Bah, déjà, du nectar, et un peu de son ult, son repas. Le repas de la semaine dernière. En puisant l'outle, c'est l'outle de cette migale qu'elle. Que puise. L'outle de plein de personnes, vu tout ce qu'elle a mangé. Donc, Et donc, tu vas avoir en toi ces esprits qui vont. Parler tous ensemble dans ta tête. Oh non, échanger leurs impressions et leurs sentiments. Oui. Ils sont pas d'accord entre eux. Oh, tu dis. Tu dis, hein, je te donne un coup, c'est fini. Hein. Non, toi, merci, tu plantes ta lame dans le. Dans l'une des pattes. Tu cisailles l'une des pattes pour qu'elle tombe à la merci du. Allez. Et tu cisailles tout ça. Tu lui cisailles ses pattes. Allez. Il s'effort. Tu as capté son attention de mon masque. Et qu'évoque ce masque dans l'esprit de la créature ? Il vient la guerre, les gaz, Des gaz ? Des gaz qui se répandent ici ? Et qu'est-ce que font ces gaz ici en ce lieu ? Bien, nous sommes dans les tréfonds de la ville. Nous sommes dans l'ancienne ville, la ville qui a été le dédale, et dans ce dédale, pendant les dernières guerres qui ont eu lieu, le gaz a rendu cette portion de la ville totalement fertile. Enfin, totalement, non, au contraire, j'ai plus le contraire de fertile. Parce que fertile, c'est au contraire que tout pousse, donc c'est stérile. Voilà, tout stérile. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que j'y voyais. Et que c'est. Et que le gaz la ronge de l'intérieur, elle voit le gaz se répandre en elle parce que elle pense ce gaz et ce gaz s'insinue dans au travers de la chitine, elle pénètre la chitine et vient réduire en bouillie les chairs qui sont à l'intérieur de son squelette noir, jaune et rouge. La néphilie se recroqueville avec ses pattes en l'air. Je t'ampute. Elle bat des pattes, siffle le cocon de fil se répand, se dévide tout autour. Et vous voyez Fenouil replié sur lui-même. Pauvre petit Fenouil. La main, le bras noirci. La PLS. Du sang coulant au niveau de ses bras. Mais là, on a de perdu, sa taille. Là, on a perdu, là, on n'a pas gagné. Non, tu vas comprendre. Son visage est comme tuméfié, transformé par. Comme s'il avait essuyé des coups. Il est blême, livide. Le sang semble l'avoir déserté. Et. Il est adossé. Une immense masse poilue qui se dessine derrière sa tête, adossée à l'un des grands cyprès depuis laquelle la grande migale était descendue et avait fondu sur vous. Une masse de poils verts, sombres, où se mêlent parmi les poils des ronces, des lichens. Le poil a dû être gris ou roux peut-être, mais il est tellement recouvert de végétation que l'on peine à distinguer ce qui est poil et ce qui est fougère ou ronce. Et deux yeux jaunes orangés au bout de cette patte sur laquelle est posée, est adossée ou s'est effondrée Fenouil. Deux grands yeux jaune-orangés qui s'ouvrent sur un visage gris aux larges lèvres couvertes par de grandes moustaches poilues où se mêle la végétation. De grosses moustaches qui tombent et vous entendez dans un bruissement de feuilles. Merci, sauvageon. Vous avez restauré mon hôte. Le bras s'écarte légèrement. Fenouil tombe, la tête dans la boue. J'ai rien fait, pourquoi vous me regardez toujours? Parce que très ressemble à Paris. J'étais dans un songe sombre et ténébreux. Par cette vilaine engeance lente des guerres des hommes, j'ai vu des hommes tomber, fondre dans les gaz, dans le jaune moutarde répandu dans la vieille ville. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi ce Iltiti se tient là à me menacer de sa trompe. Il est ridicule. Et je retire mon masque. Oh, les apparences sont parfois trompeuses, sauvageon. Exactement. Aïe. Vous savez, merci à vous. J'ai une question, monsieur, avant que vous repartiez. Je ne suis pas monsieur. Ah. Je ne suis pas un monsieur. Je suis un forestier. Et la créature se redresse et elle vient à dépasser l'endroit où la mygale était suspendue au haut des arbres. Ok. Au revoir. Vous arrivez à peine à hauteur de son genou et vous entendez sa voix rendue distante, étouffée par les feuilles. Monsieur, savez-vous ce qu'il est arrivé à notre... Enfin, je ne suis forestier. Pas un monsieur... Monsieur forestier. Forestier, savez-vous ce qui est arrivé à... Notre compagnon, Fenouil. Vous lui avez refusé son bisou papillon, Aloé. Quoi? J'ai un dit, moi. C'est ce dont je me souviens. J'ai rien fait. Oh, ok. C'est bon, c'est de ma faute. Hein. Inadmissible. Je m'approche de Fenouil. Mm-hmm. Il est froid, raide. Et tu fais bien. Ses chairs sont pâles, exsangues, désertées par le sang. On voit que les veines bleues affleurées hauteur de la peau. Et la plaque noire qu'il y avait sur sa main droite, qui était apparue lorsque vous l'aviez retrouvée dans le trou d'obus, maintenant remonte jusqu'à son épaule. Coronavirus. Coronavirus. D'accord. Allô ? Oui. Je pense qu'il est bientôt que tu lui fasses son bisou papillon, là. Oui, mais... Quoi ? Bah oui, tu lui fais son bisou papillon. C'est toi qui lui fais. Non, mais... C'est simple, tu lui frottes le nez avec... Allez, fais-le ! Mais... C'était bien censé être elle qui devait faire. Tu te sens petit. Fais-le. Mon masque. Non. Mais je vais le faire. Juste parce que ils me font pitié eux. Comment ça ils me font pitié eux? Oui, eux deux ils me font pitié, ils me font peur aussi. Ils me font pitié et peur. C'est pas tellement... Quand tu t'approches de son visage pour frotter ton nez contre le sien, quand tu te penches. Tu les entends toujours s'agiter. Enfin, tu entends Nicéphore qui hausse le ton et en se redressant et en tournant la tête. Quoi ? Son masque tombe. Et Nicéphore, tu te trouves devant une trompe qui se place sur ton visage et commence à palper bouche. Ok. Viens ici, je vais te donner une fessée. Il a qu'à pas m'insulter. Tiens, je te pique. Aïe, aïe, aïe. Allez, t'arrêtes. Allez, hop, voilà. Oh, mais il a qu'à pas dire que c'est moi qui devais le faire. C'était elle, il l'a dit, le forestier. Mais il y a une chose, jeune homme, que tu oublies. C'est que... On est un groupe et que lorsque l'un flanche, on doit aider. Et que ton comportement où tu étais en train de pousser l'autre à faire, alors même que tu étais tout aussi capable qu'elle, c'était pas un comportement recevable. C'est pour ça que je t'ai retiré ton masque. Ce n'est pas pour rien. Tu te penches vers lui, tu approches ton visage du sien, et à ce moment-là, tu te retrouves avec assise au bord du lac, et tu te souviens que vous teniez la main, vous étiez la main dans la main, comme cela. Je ne veux pas être là. Mange ton oreille. Tu donnais. Xavier. Bonjour. Tu donnais la main également à Elio. On se donnait tous la main. On était assis sur la berge et on était collés les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on est sauvé? Sur la berge, on voyait les nuages. Bonjour. On voyait au-dessus de nous les nuages défiler. Oui, waouh. Sous le vent, tout doucement, de grands nuages blancs. Pas des nuages menaçants, mais des nuages dont on cherchait à deviner ce qu'ils pourraient être, à quoi ils ressemblaient. Oui, j'ai déjà très fait... naïvement. J'en regarde un et... Tu vois un loup. Exactement. Wow. Et on voit tout ce que tout ce qui nous plaît de voir, tout ce qui est agréable. On regarde ce ciel qui est clair, qui est plein de promesses. Et on voit aussi, par intermittence, juste à côté de soi, le visage des autres, le regard. On est tous ensemble, le dos contre l'herbe tendre, et juste à côté de nous, on entend un pas qui pèse sur le sol. Des pas, des sabots. Des sabots qui viennent ébranler le sol et qui impriment leur rythme lent, majestueux. Et arrive la grande vache Marguerite. Je lâche la main et j'essaie de m'approcher de Marguerite. Qui vient brouter juste à côté de nous. Je lâche la main de... Et comme le disait à l'instant... Comme le disait à l'instant Nicéphore, nous sommes une famille. Nicéphore. Marguerite. Et on se souvient tous, on aura tous comme élément commun, pour le point, si vous en êtes d'accord, Marguerite. Et moi qui m'approche. Ça vous a plu ? Oui. Qu'est-ce qui vous a dérangé ? Oh, un escargot. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a dérangé. En fait, il n'y a même rien qui m'a dérangé. Il est beau. Il est beau et bizarre à la fois.